nem por via do alojamento local. O pesadelo com a câmara lembra que há um qui est 14h31, voilà donc l'émission Souvenir, et bien donc une demi-heure d'entente, mais c'est pas grave, voici les chansons Souvenir jusqu'à 17h, avec tout simplement les chansons des années 1950, voilà donc avec plusieurs chansons, avec Lucienne de Lille, il y aura aussi du Tyrol, et puis aussi de l'accordéon. Voilà donc on va débuter l'émission avec Lucienne de Lille. C'est des romans merveilleux, des amours comme au cinéma. Tout est beau, tout est fabuleux, les bergères épousent les rois. Mais pour moi, c'est différent, je n'en demande pas tant. Ça me suffit, quand je vois dans ses yeux le reflet d'un bout de ciel bleu, ça me suffit. S'il en reste pour moi dans mon cœur un tout petit peu, ça me suffit. Les bonheurs à trois sous, les premiers rendez-vous, les balades à cinq loups, bras dessous, et la vie qui nous vend du soleil partout, ça me suffit. Quand il me dit ma petite femme c'est toi que j'aime et pour longtemps, alors là je vous le jure ça me suffit. Tout simplement, avec quatre sous de lilas on peut faire 8 jours de printemps. En deux mots que l'on dit tout bas, on peut faire un très long roman. L'aimer, je n'ai besoin que d'un cœur et presque rien. Ça me suffit. Un bonjour de serment, quatre fleurs et sa chanson, ça me suffit. Ma petite vie merveilleuse avec lui dans ma maison, ça me suffit. Les bonheurs à trois sous qui s'accrochent entre nous, les premiers rendez-vous, les balades à cinq loups, cette photo que je trouve un petit peu partout, ça me suffit. Quand il rêve et s'endort dans mes bras comme un enfant, alors là, je vous le jure, ça me suffit. Tout simplement. Voici donc que vous appelez Edith Piaf. Une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin. Dans un de ces quartiers où tout le monde est riche à crever, elle avait quitté ses parents pour suivre un garçon, un bohème, qui savait si bien dire je t'aime que s'en devenait bouleversant. Et leurs deux cœurs ensoleillés partirent sans laisser d'adresse, en portant juste leur jeunesse et la douceur de leur péché.

se va la segunda. Aquella flor de tu pelo que yo te robé al partir, de pena se ha marchitado, donosa, al verse lejos de ti. De pena se ha marchitado, donosa, al verte lejos de ti. Te quiero con toda el alma y te lo digo al cantar. Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. Florcita de mi rosal, estrellita de mi cielo, donosa, florcita de mi rosal. Tierra, mi largo peregrinar, han de cubrirme tus piedras, mi querido Tucumán. Han de cubrirme tus piedras, mi querido paisaje arisco por la sangre de mis venas, y el camino de los indios ha de llevarme a tu vera. Y el camino de los indios ha de llevarme a tu vera. Arcilla modelada, indio soy de Tucumán. Es tu arcilla modelada, indio soy de sangrientos, a lo lejos se desata, es la sangre de tus muertos que desde el cielo me llama, es la sangre de tus muertos que desde el cielo me llama. Patria tucumana, tierra, soles, lunas, agua, siento gritar en mi alma tu llamado, Pachamama. Siento gritar en mi alma tu llamado, Pachamama. Pachamama. Yo soy de Tucumán, es tu arcilla modelada, indio soy de Tucumán. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Les histoires de ma grand-maman, sa voix douce et ses yeux gris, son sourire de velours est si tendre. Souvenir si charmant et si beau tout. dans mon cœur. Près d'elle on s'attarde, assise dans un coin.

Une panique? Mais non, monsieur, voyons, c'est le lambette poil. Le lambette poil? Mais vous ne connaissez pas le lambette poil, la nouvelle danse à la mode? Oh, où sont les bons vieux quadrilles? Cet hiver, vient d'arriver un nouvel air qui vous emporte, qui vous transporte et vous met la tête à l'envers. Puisque vous l'ignorez, je vais ce soir vous l'expliquer, car ce n'est pas très compliqué. Commençons la leçon, ça se danse très simplement. D'abord on marche un moment, puis brusquement on pousse un cri perçant. Oeil ! Ce oeil est très important, il faut qu'il soit éclatant. Avec aussi un geste comme ceci. Oeil ! Essayez donc vous-même, c'est facile à l'extrême, et très vite l'on aime ce petit système. Si vous avez bien compris, avec nous poussez ce cri, le Lambeth Walk est le succès de Paris. Hey! Well, the trouver le destin en chantant avec enfin ce refrain de demain. Le swing, le swing, mademoiselle. Ma grand-mère de Béranger. Ma grand-mère, un soir, à sa fête, devint pure, ayant bu deux doigts, nous disait-on en branlant la tête. Ces amoureux, dis autrefois, combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Maman, Lindor, à s'il vous plaire. Oui, seul il me plut 4 mois. Mais bientôt, j'estimais Valère et fis 2 heureux à la fois. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Quoi, maman? 2 galants ensemble. Mais chacun d'eux me trompe pas. Lupine alors qu'il ne vous semble. J'épousais votre grand-papa. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Maman, que lui dit la famille? Rien. Mais un mari plus foncé, tu peux connaître la coquille. Ce lope était déjà cassé. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Qu'avez-vous, maman? Faut-il faire? Mes petits-enfants, pourquoi? Quand j'ai fait comme ma grand-mère, ne seriez-vous pas comme moi? Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Voici donc qui vient. Il s'appelle Tino Rossi. Tango magique, troublant et romantique, ton rythme est une étreinte d'amour. Tango fait de mots tendres si doux qu'à les entendre, les cœurs s'y laissent prendre toujours. Un soir mieux qu'une danse, c'est toi par ta romance qui m'a donné la chance d'oser. Serrer l'un contre l'autre, ta voix devint la nôtre, ce fut notre premier baiser. C'est depuis que le jour et la nuit, émerveillés, ensorcelés, nos deux cœurs ont trouvé le bonheur avec les mots de ce tango nouveau. Tango, tango magique, troublant et romantique, ton rythme est une étreinte d'amour. Tango, fait de mots tendres si doux qu'à les entendre les cœurs s'y laissent prendre toujours. Un soir mieux qu'une danse, c'est toi par ta romance qui m'a donné la chance d'oser. Serrer l'un contre l'autre, ta voix devint la nôtre, ce fut notre premier baiser. Quand nos ivresses feront à la jeunesse de loin les premiers gestes d'adieu, l'écho de la musique de ceux magique viendra nous bercer tous les deux. Voici donc Lini Escuduro. Il faut vivre pour un peu d'amour. Il faut vivre et garder toujours sa confiance sans désespérer, car la chance un jour va passer. Il faut vivre pour la retenir. Il faut vivre pour qu'à l'avenir, sans attendre, tu sois toujours prêt à la prendre pour en profiter. Il faut vivre pour un peu d'amour. Il faut vivre et s'aimer d'amour. De ta vie, plante pas d'amandier, faut d'autres vies pour les voir pousser. Il faut vivre sans perdre de temps. Il faut vivre et garder longtemps sa jeunesse. Il faut vivre malgré le chagrin que la vie t'apporte demain. Il faut vivre pour un peu d'amour. Il faut vivre et s'aimer d'amour. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Voici donc François de Galde. Toujours aller jusqu'à Venise. S'embarquer pour Cythère, faire le tour de la terre promise. Pourquoi toujours partir? L'amour nous en fait dire de ces bêtises. Dans un élan de joie, tu t'es donné à moi, tendre et soumise. Vois-tu dans les chansons, l'amour, ça tourne en rond, c'est monotone. C'est toujours la même chose, on effeuille les roses. Et l'on s'étonne souvent que l'amour soit un mot qui ne s'emploie que par méthode. Ça devient commercial, on dit que ça fait mal, mais c'est la mode. Crois-tu que pour s'aimer il faut toujours chanter? Quand on est amoureux et que l'on est heureux, ça paraît bête. Y'a rien à raconter et rien pour faire pleurer l'ami d'Inette. Tu éteins la lumière et les bruits de la terre nous abandonnent. Nous deux, on s'aimerait, nous qui n'irons jamais. morceau s'appelle En dansant. Dans un cabaret, une belle fille dansait. Sous les projecteurs, elle s'illuminait de splendeur. Chacun pour lui plaire faisait les doux yeux, lui tenait des propos amoureux. Mais la belle avait un homme dans sa vie et l'aimait. Elle dansait, elle dansait. Et son corps tour à tour exprimait le bonheur et l'amour. Elle dansait chaque nuit. Désiré par chacun, mais n'ayant de regard que pour lui. Et c'était des valses folles, des boléros aux accents langoureux. Certains soirs, des danses créoles et la samba au pas voluptueux. Son amant, tendrement, elle admirait chaque nuit, la belle ne dansait que pour lui. La danse et l'amour suffisaient pour combler ses jours. Mais un triste soir, elle ne devait plus le revoir. Fini les beaux rêves, adieu les doux yeux qui suivaient ses pas amoureux. Son cœur soupirait lorsque sur scène elle paraissait. Elle dansait, elle dansait. Et son corps tour à tour exprimait la douleur et l'amour. Elle dansait chaque nuit. Désiré par chacun, mais ne pensant qu'au bonheur en plus. Et c'était des valses folles, des boléros aux rappels douloureux. Certains soirs, des danses créoles et des sambas, des larmes plein les yeux. Elle dansait, elle aimait. Elle pleurait, ça tournait. C'était un gosse au cœur charmant, on l'appelait le sans-famille, bien trop sérieux pour ses 10 ans. Il ne jouait jamais aux billes, et des autres on le distinguait à la casquette qu'il portait. La casquette un peu de côté, on le voyait se balader. Ça lui faisait une drôle de tête, sa casquette. Ses copains dans tout le quartier lui criaient en le voyant passer: est-ce que la nuit tu couches avec ta casquette? Quand des gars au regard mauvais s'approchaient un petit peu trop près, fallait voir comme il défendait sa casquette. Tout comme un autre, il eut 20 ans, il s'est pris d'une jolie fille. Ça faisait un couple charmant, mais il comptait sans la famille. À la fille, le père a dit non, tu n'épouseras pas ce garçon. Je ne veux pas dans ma maison ce va-nu-pied, ce polisson, avec un clignot sur la tête, sa casquette. On a beau être un bon garçon, les bourgeois ont leur opinion. Il n'y a pas de gars honnête en casquette. Ce soir-là, ils se dirent adieu, cœur serré et les larmes aux yeux. Mais il a gardé sur sa tête sa casquette.

Parmi les rires et les brilles, ils fêtaient leur champion au retour des missions. Les dangers du ciel leur semblaient irréels. Les filles bien plus belles et plus fortes leurs ailes. Mais hélas, un matin, la vraie guerre survint. Leurs rires se figèrent et leurs traits se crispèrent. Sous le ciel tout en feu, quel combat valeureux! Les avions qui flambaient, les balles qui fauchaient. Au bar de l'escadrille, fini les rires et les drieux. On comptait les absents, tombés si crânement. Une immense douleur leur déchirait le cœur. Les filles étaient moins belles et moins fortes. Le calme enfin, et puis le grand chagrin. Les carlingues blessées, les ailes transpercées. On pleure les amis, à tout jamais partis. En se disant déjà, du grand jour qui viendra. Au bar de l'escadrille, revivront les rires et les truilles, pendant le ciel plus beau d'un monde enfin nouveau. Les avions de demain pour le bonheur humain, dans la paix éternelle, feront frémir leur s'appelle Isabelle Aubry. Il est posé sur la table sous les fleurs, sa dentelle que j'effleure me rappelle quelquefois les parfums d'une enfance dont je ne vois pas la fin. C'est un peu la Madeleine de Marcel, le pont du poste à Galène, à Limel. C'est l'éternité fragile de l'amour, c'est l'océan dont une île fait le tour. Les mois passent, les jours meurent. Comme une certaine idée de l'humain, un morceau d'amour brodé à la main. La patience qui défie l'éphémère, témoin discret de la vie de grand-mère. Il est là, il ressuscite son sourire, ses dominos, ses petites peurs décrites. Et je crois parfois entendre le coton me dire avec ta voix tendre, persistons. Les mois passent, les jours meurent, face à demain ils demeurent, hors du temps et ordinaire, le navrons de grand-mère. Les mois passent, une fois un cow-boy fidèle rêvait de sa belle à la fin du jour. En cherchant dans le soir l'étoile nouvelle qui devait le guider jusqu'à ses amours, pour l'amour de ma belle, j'oublierai tous mes amis. Pour l'amour de ma belle, j'oublierai mon vieux pays. Mais la belle, croyant qu'il était volage, refusant son amour, se moqua de lui. Et le pauvre cow-boy, loin de son village, à son bonheur perdu, chantait dans la nuit. Pour l'amour de ma belle, j'ai quitté tous mes amis. Pour l'amour de ma belle, j'ai quitté mon vieux pays. Puis il s'en est allé, et depuis la belle pleure son amoureux en ayant compris que l'oiseau de l'amour n'est pas l'hirondelle. Il ne revient jamais quand il est parti. Si l'amour vous appelle, écoutez ce qu'il vous dit. Il suffit d'un coup d'aile pour qu'il trouve un autre nid. La ra ra. Mariano. Amour de mon jeune âge, léger comme un nuage, du bon Dieu. Amour bleu, fleuri de bavardage, dans le clair paysage de nos jeux. Souvenez-vous de nos mains dans la main et de nos confidences. Souvenez-vous de nos petits chagrins et de nos espérances. Amour bleu, amour, c'est vous que j'aime comme un premier poème merveilleux. Thank you.

les fleurs s'éteindront. Dans la vallée du Reblochon, toutes les cloches vous diront qu'on ne trouve pas ailleurs ce délice tendre à cœur, notre Reblochon. Voici André Dassary. Chambre déserte, porte entr'ouverte sur le jardin triste et noir. Loin sur la plaine, le vent qui traîne le voile morne du soir. Plus en passant sur la route, seul je regarde et j'écoute. Varse du passé, comme un oiseau lassé, tu reviens avec la nuit, parler des jours enfuis. Tourne, tourne autour de moi, image d'autrefois. Valse grise des regrets, réveille mon secret. Voix qui délire, voix qui soupire, cœur obsédant qui m'étreint. Et dans les branches, je monte et s'épanche, vibre, gémit et s'éteint. Accompagnant au ciel sombre la ronde étrange des ombres. Varse, varse du passé, comme un oiseau lassé, tu reviens avec la nuit, parler des jours enfuis. Tourne, tourne autour de moi, image d'autrefois. Valse grise des regrets, réveille mon secret. Tu fais jaillir soudain dans un rêve aux formes lentes l'espoir sans lendemain qui dans la veine attente du destin. Avec toi chante loin. Et puis s'enfuit au long des longues nuits, en laissant mon cœur plus lourd, sans rêve et sans amour. Après moi, donc à partir de 17h jusqu'à 19h, l'émission de Manuel avec Découverte, juste après Teresa, entre 19h30 jusqu'à 20h30. Et juste après, tout simplement, bien, vous allez retrouver Albino avec Marika entre 20h30 jusqu'à 20h30. Voilà, pardon, voilà, puis demain nous serons samedi à partir de 9h jusqu'à Et bien, vous allez retrouver l'émission tout simplement Portugal, nos Corésiens, avec Christine. Et puis, juste après, entre midi et 14h, avec Carla. Et puis après, ce sera Victor, entre 14h jusqu'à 16h, Portugal, nos mix. Puis après, retour avec l'accordéon, avec Michel, entre 16h jusqu'à 18h, le petit bal du samedi soir. Et puis après, ils sont trois. Vous présenter l'émission du sport avec Porte ouverte au sport, José, Amarillo et Bruno. Donc entre 18h et 20h. Si tu m'abandonnes. Chaque fois qu'ils avaient un béguin, ça m'amusait quand ils l'appelaient. Voilà, donc c'est cette chanson qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver donc eh bien vendredi prochain, puis donc aussi mardi entre 14h jusqu'à 17h. Voilà donc eh bien, dans quelques minutes, vous allez retrouver une découverte. Donc eh bien, je vous dis bonjour à tous et à toutes. Un nom qui chante bien.

beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma pépé, faut te lever, allez hop, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, oh, mais sans blague, non mais on n'est pas là pour se faire engueuler. On est là pour voir le défilé. Pas vrai, papa, non ? On n'est pas là pour se faire piétiner. On est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Allez, allez. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Ou bien plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous, on reviendra pas. Non, mais sans blague. Le jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où on sert un beau gelet, vrai de vrai, un hectare de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, bah voyons, bonne quoi. On n'est pas là pour se faire engueuler. On est là pour la fête à mon pote. Pas vrai, Gilo, ouais. On n'est pas là pour se faire assommer. On est là pour faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Allez, bonne, ouvre ta porte et sors des verres. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole, je rentre plus du tout. Bon, alors quoi ? Ma femme a cogné si dur cette fois-là qu'on a trépassé le soir même. Et voilà qu'on arrive au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, non mais sans blague, alors ici aussi. Alors il suffit pas qu'en bas ce soit ça, il faut qu'en haut ce soit ça aussi, non? Mais on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire renvoyer, on est mort, il est temps qu'on rigole, hein, Gilo, ouais. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Maman, portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est redescendu chez Satan, et là-bas cet été pas tant, ce qui prouve qu'en protestant quand il est temps, encore tant on peut finir par obtenir des ménagements. Non mais sans blague. Oh ouais. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. Baba. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Et où courez-vous ? Faire de bonnes affaires. Ben où ça ? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un show de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22.